La feuille est blanche, mes ratures broient du noir. La peur est franche, vois-tu de quoi je parle? Un parchemin vieilli par le temps. Si je pars demain, je suis saisi par le vent. Quand le cœur se lâche, forcément la feuille se tache. La fleur de l'âge se mesure à la sueur de l'âme. Ma feuille est blanche, elle est remplie comme un trou noir. Les vies s'empilent au fond du couloir. Le sang coule à travers mes mains. Je me suis perdu avec le parchemin. J'ai vu la mort sur le droit chemin. Tu me dis demain, mais demain c'est loin. J'allume un joint et je me dis si je te tue, ça fera un pote en moins. Je mène ma meute tel un vieux berger. Y'a de la peau dans mon potager. Y'a deux, trois corps sous les orangers. Mon chien n'aime pas trop les étrangers. J'ai encore faim, pourtant je viens de manger. Que pour la mif, le blé, je suis motivé, énervé. Moi à ma naissance, j'ai pas été sevré. Désolé. Y'a que mon art que je n'ai pas volé. Isolé, je ne suis qu'un oiseau qui rêve de s'envoler. J'ai pas le temps de les écouter rapper. J'écris mes nœuds libres, pas toi sans vanter, ainsi va la vide. Beaucoup cherchent le chemin de la gloire. Un monde à part, loin de ces bâtards à croire que c'est l'argent qui nous rend avares. J'produis ma propre mixture avec mon gang. Pas besoin de connaître toutes les dernières merdes sur quoi les enfants bandent. Finir en cendre, entre deux pantins qui prennent feu n'est pas pour moi, quand j'm'allume les flammes deviennent bleues. J'suis ligoté à une feuille qui n'attend que mes aveux. Toutes mes faiblesses dissimulées au fond d'un message creux. J'ai la queue dressée comme un chien de la casse à ferraille. Pendant que tu suis le troupeau, on rentre le bétail. La seule façon de remplir un bout de papier en le brûlant. De l'encre noire coule de mon crâne tout en hurlant. Y'a rien à raconter à part, j'suis posé avec les miens. Ça me suffit largement pour m'occuper les mains. La feuille est blanche, mes ratures broient du noir. La peur est franche, vois-tu de quoi je parle? Un parchemin vieilli par le temps. Si je pars demain, je suis saisi par le vent. Quand le cœur se lâche, forcément la feuille se tache. La fleur de l'âge se mesure à la sueur de l'âme. Ma feuille est blanche, elle est remplie comme un trou noir. Les vies s'empilent au fond du couloir. J'suis dans le train pour un trajet sans fin. J'ai quelques cendres, quelques bornes, ni chef de bande, ni pantin. Qui me demande mille mondes au bout de la mine. Joue au ping-pong avec King Kong, mon son les contamine. Ici pense toutes les 10 secondes. J'rappe des peines perdues, mère de haine. J'aime la Saint-Denis-Seine. Beaucoup de vices, beaucoup de vertus. On parle en bénéfice net. On grandit tous en délit de vitesse, délit d'ivresse. Beaucoup d'espoir, beaucoup d'amertume. L'alcool et la fume chassent les idées noires. Il faut de la thune parce qu'elle les nettoie. Je manipule une plume pleine comme la lune. Elle donne vie sur une feuille blanche belle comme la nuit. Je suis dans le train, dernier wagon. Le pilon se consume. Au bout de la ligne, y aura le retour de bâton. Mais j'ai mille mondes au bout de la mine. Ma feuille blanche aura le goût de la mort ou le goût de la vie. La feuille est blanche, mes ratures broient du noir. La peur est franche, vois-tu de quoi je parle? Un parchemin vieilli par le temps. Si je pars demain, je suis saisi par le vent. Quand le cœur se lâche, forcément la feuille se tache. La fleur de l'âge se mesure à la sueur de l'âme. Ma feuille est blanche, elle est remplie comme un trou noir. Les vies s'empilent au fond du couloir. La feuille est blanche, mes ratures broient du noir. La peur est franche, vois-tu de quoi je parle? Un parchemin vieilli par le temps. Si je pars demain, je suis saisi par le vent. Quand le cœur se lâche, forcément la feuille se tache. La fleur de l'âge se mesure à la sueur de l'âme. Ma feuille est blanche, elle est remplie comme un trou noir. Les vies s'empilent au fond du couloir.